Voyez frère, et on trouvera encore des gens en train de suivre ce genre d'album. Et des gens qui se sont livrés à des nudités ici, qui ont promené leur nudité dans le monde entier, ils continuent à chanter dans nos maisons. Et des gens qui s'appellent chrétiens, croyants du message, mettent même ces musiques-là. Et frère, il n'a pas assez de honte pour aller se cacher quelque part, ne plus paraître au public. Mais pour prétexte, mais Yesu pe, balongolaka bilambate. Donc balongolaka bilambate, il fallait qu'il tombe. Comment vous allez vous comparer dans des bêtises de ce niveau-là avec le Saint Jésus-Christ, l'innocent. Toujours l'esprit de tout diluer, tout discuter, tout mélanger. Et dans les conneries, on est fort. Pour toujours cet esprit mauvais que nous appelons l'esprit congolais. Frère, nous devons quitter ça. Nous ne devons pas continuer à soutenir le mal. Nous avons le devoir de soutenir le bien. Quand nous étions païens, nos pensées et nos mauvaises œuvres faisaient de nous ennemis de Dieu. Et une fois devenus croyants fidèles de la maison de Dieu, arrêtons les mauvaises pensées, les libres pensées. Faisons de chaque pensée captive pour obéir à Christ. Captive pour obéir à la parole de vérité. Captive pour faire toujours la volonté de Dieu. Dieu veut une église établie. Et des croyants qui soient fiers de leur identité chrétienne. Il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Au final, c'est ce qu'il aura devant lui. Dieu vous y fera parvenir. Vous faire paraître à ses yeux. Satisfait du travail qu'il aura accompli dans vos vies. Année après année, un processus soutenu par sa main. Des transformations au jour le jour. L'homme extérieur se dégrade, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est la parole agissant au-dedans de nous. La parole agit dans ceux qui la croient. Il a fait agir, il a fait agir continuellement. Pour vous faire paraître devant lui à la fin, saint, sans défaut et sans reproche. Veux-tu y parvenir? Sa grâce est là pour ça. Collabore toujours avec le Saint-Esprit. Amen. Collabore quand sa maître travaille sur toi. Collabore quand la prédication touche ton cœur. Répands-toi de tout mal, de tout péché, toute iniquité, toute négligence, toute paresse. Répands-toi pour devenir si chaud pour lui. Mieux disposé qu'avant. Ayant du temps pour Jésus. Comme Zachée, l'homme d'affaires dont on a parlé en passant vendredi. N'avait pas de temps pour Jésus. C'est pour que la rencontre face à face avait lieu. Et qu'il a entendu lui-même sa voix. L'appelant, les choses ont changé. Il est entré dans les manières de Jésus-Christ. Au côté, où qu'il conduise, je suis vrai. quoi qu'il fasse, je soutiendrai. Il dit, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi pour parvenir à ça. Vous n'allez pas croiser les bras pour que Dieu fasse le tout. Vous devez collaborer avec lui. Collaborer avec votre Dieu. Il a un plan, des objectifs. Collaborer pour que Dieu se réalise. Décidez-moi, condition. Pour devenir un jour saint, sans défaut, sans reproche, il y a une condition à remplir. Et c'est votre part à faire. Si dis moi vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. C'est ce que Dieu veut. Il veut voir ça en toi. Une foi inébranlable. Ayant un fondement certain en Jésus-Christ. Et quand la bongo, ce qui ne veut pas la côté le mangui, n'a pas dit malencontre à mon beau, paix, ce que beaucoup bon m'a maté. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, pas Epaphras seulement, mais dont moi Paul, j'ai été fait ministre. Pour ce qui beaucoup bon m'a maté, le monde est liquide, la sang malamo, et le katibino. C'est lui qui a fait de Paul ministre. Il a fait de Epaphras serviteur de Jésus-Christ. Il travaille encore par l'évangile jusqu'à présent. Et il veut le même résultat pour ses croyants. Il veut être l'un d'eux. Dieu est immuable. Dieu est infatigable. Il poursuit son œuvre. Les générations sont passées. Les générations ont changé. Mais la parole demeure la même. L'église du Seigneur est encore là. Dieu en a encore. Pour cette terre jusqu'à présent. Êtes-vous là? Vous allez là? À Jeffersonville? Nous pouvons encore lire ceci. Ce que dit le prophète William Branham au sujet de l'assemblée locale que lui dirige. Dans les sermons, c'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Il dit ceci au paragraphe 37. Nous pourrons même poursuivre. Jusqu'au paragraphe 41. Ou 42. Paragraphe 37 à 42. Et dit ceci. Ainsi, j'aimerais à présent dire ceci maintenant. Que ceci est une église établie. Dieu en voulait. Voilà, au 20e siècle, il y en a une aussi. Au Congo RDC, il doit y en avoir aussi. La Congo RDC, c'est les hommes peuvent passer. Les générations peuvent changer. Mais la parole de Dieu demeure la même. Le plan de Dieu poursuit son chemin. Année après année, siècle après siècle. Ceci est une église établie. Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir? Mais oui! Nous ne pouvons pas être des astres errants. Il ne peut pas nous laisser comme des vagabonds. Il nous donne une position. Dieu aime que les siens aient une position. Quand Jésus-Christ était sur la terre. Jean chapitre 15 ici, ça me vient ici. Jean chapitre 15, le verset 16. Jésus lui-même sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit des siens? Jean chapitre 15. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Amen. afin que vous alliez. Le travail doit être fait. L'œuvre missionnaire, l'œuvre salutaire, l'œuvre évangélique, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Le fruit de quoi? De la parole que lui a semée. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Le même Dieu qui avait établi le premier disciple, il leur avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Cela doit poursuivre son chemin dans toutes les nations. Et cette parole doit produire des disciples dans toutes les nations, y compris la nation de fond. Même là aussi, il faut que Dieu transforme les gens pour en faire ses disciples. Même si par leur fournerie et leur pensée et leur mauvaise œuvre, ils étaient ennemis de Dieu, mais Dieu va les réconcilier. Atapu na bisaleli na bango ya mabe na makalishi na bango ya mabe na misala na bango ya mabe kasi nzambe akobongo la bango pate. Par le sang de sa croix, pour en faire des disciples accomplis, des disciples achevés, des disciples complets. Ils reproduisent Jésus-Christ dans leur vie. Peut-il y en avoir, même dans le pays de Con? Mais nous devons croire, non? Si Dieu ne veut pas le faire, alors fermons l'église et dispersons-nous. On ira se faire arrière. Ne perdu, tout pas ça. Et parce que Dieu peut le faire, nous nous accrocherons. Nous persévérerons. Nous croirons chaque jour. Même s'il y a des pots de bananes pour nous décourager, nous ne regarderons pas ça. Nous tiendrons fermes, comme disent les prières de la Bible, comme réclament nos propres prières. Nous les verrons juste en bout. Tenons bon. Amen. Lui, il a établi des gens pour qu'ils aillent. Qu'ils produisent des fruits. Et que leurs fruits demeurent. Mais avant qu'il aille, lui a leur a donné sa parole. C'est la parole qui doit tout faire. Il a planté en eux sa parole. Il a semé en eux sa parole. Il leur a fait entendre sa parole. Et il les a établis. Ce ne sont pas des roseaux agités par le vent, mais des gens fixés, positionnés, ayant la foi que lui reconnaissait, revêtus de la puissance que lui a donnée. Des services. Ils devaient aller et à leur tour devaient aussi produire les fruits. Eux-mêmes étaient les fruits de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était la parole. Et Jésus-Christ lui-même était le fruit de la parole. La parole qui était promise. Mais qui est devenue chair. Sur toute la ligne, parole de tous côtés. La parole a produit Jésus-Christ. Jésus-Christ a produit des disciples. Les disciples devaient reproduire des disciples. Tous les fruits de la parole. Amen. Mais c'est pas merveilleux comme ça. Il y a parole, toi, idolâtrie. Et puis après, vous ne savez rien. Comme si parole, vous ne savez rien. Sans effet. Sans effet, pour libata, toutes les choses sont parties. Atikali aussi sec qu'il était avant. Libata. Libata. Pour bien aimer, vous allez voir bata. Amen. Dieu appelle les aigles. Amen. Comme il a dit dans Matthieu 24, là où sera le corps, là se sembleront les aigles. Quand un aigle veut se baigner, il se baigne. Ce qui me pongo l'indique c'est que je mais après, il faut se exposer la moi. Mais le moi, mon chaleur, tout est kaouki, à zongé les propres. C'est ça, mec. Mais les bâtards. Les bâtards. S'opérer, man. N'aboye. Après, il fait rien. D'ailleurs, c'est reconnu scientifiquement que ces plumes-là sécrètent même une catégorie d'huile qui chasse toutes les traces d'eau. Donc, il faut abîmer ça, quelle constitution? Donne à ses disciples la bonne constitution. Et il y a même des pensées contraires pour rallonger sa foule, pour diluer, affaiblir la parole. Laisse-toi imprégner. Laisse-toi baigner dans la parole. Écoute-le, il bande ticati. Au lieu qu'on a fait dans mon thème. Ce qui est péché au coup de froid, c'est là, moi et Kolamouka, écoutez, ça l'aira bien. Amen. Au Kokaouka, peu au bémi, propre, pétor. Nandenga ya oya soperi yo mai alingoza la propre. Toko lo matenga, nakoza la propre nandenga nanga. Babuaki mai, soperi mafuta, naboyi. Siko wap bozo kendeko sopana, liba teke kendeko wapi. Dans l'eau propre, toujours de l'eau sale. Ye wane namu, mounokone moula iwane, lo baka tro. Aji mounokone moula iwane, lo baka tro. Ayi, dans la boue. Poto. Ezo sopana na masara na yib, et puis, il bouche encore. Liba ta. Il s'est sali. Mais croyant se rendre propre. Et mon ami. Laissez-vous baigner dans la parole. Que la parole te pénètre vraiment. De toutes parts. De toutes parts. Vous allez bandawane ou vous allez finacal. Et ça là-bas est fait. Et ça là-bas, ça là non. C'est vrai. Bongo. Les produits de la parole. Dans Ephésiens chapitre 3. Nous lisons encore ceci. Dieu dit ça. Ephésiens 3. Nous avons lu aussi en passant ce verset il n'y a pas longtemps ici. Versets 16 et 17. Lui aussi Paul priait pour les siens. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17 surtout maintenant. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Que vous soyez enraciné et fondé ayant un fondement par l'amour. Amen. Peut être Christ avant. Na mitema na bino na zela na kondima. Na bongo, awe esili bino ko palanganisa misisa na bino kati na bolingo mpe ko tongama ka likolo na yango lokola moboko. Nous voulons nous aussi être enracinés. Biso pete ngi te tochia misisa. Chacun de nous et tous ensemble. Et fondé par l'amour. Pe moboko na biso na kati na bolingo. Profondément établi dans l'amour. Tochia mapenza na muzindo kati na bolingo. Pour ce qui est de l'amour, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas que vous n'êtes pas aimé. Vous aimez. Alors, je reviens à la citation. Dieu voulant, je vois l'heure. On va arrêter là. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. J'avais lu le paragraphe 37. Mais j'aimerais à présent lire ceci maintenant. Que ceci, c'est une église établie. Moi, j'aimerais un jour dire la même chose pour vous ici. C'est-à-dire que ceci est une église établie. Hein? Oui. Comme l'église de Christ enseigne ici. Il dit, que serait-il arrivé si peut-être nous avions juste un réveil ici? Laissez-moi le dire comme ceci. Quand viendrait-il si nous venions déterminer un grand réveil? Et que vos frères, paragraphe 40, hein, j'ai sauté. Je prends le paragraphe 40 à 43. 40 à 43, donc 37 et puis 40 à 43. Voilà. Nous avons le temps. Oui. Laissez-moi dire ceci maintenant. Qu'adviendrait-il si nous venions de terminer un grand réveil? Et que vos frères veniez d'être convertis. Et que nulle part dans le pays, il n'y avait pas une église de ce genre. Et que moi j'étais l'évangéliste. Et que maintenant je partais. Et que vous ne pouviez plus jamais me revoir. Que feriez-vous? Vous auriez envie de... Vous ne sauriez que faire. Vous ne pourriez plus retourner dans cette sûre. Vous ne pourriez plus retourner là-bas avec vos épouses pour porter des choses et vos jeux de cartes et aux danses. Donc vous sentirez que la parole vous a déjà lavé de ces choses-là, de ces kimonos, de ces coupés. Ces tenues-là, malpropres, appelées des ventilateurs, Moukaya. Ça c'est pas bon. Mais les gens sont assez de porter des histoires comme ça, ils trouvent que c'est normal. Dernièrement, j'ai reçu encore un rappel, une vieille vidéo du maréchal Mobutu Sese Seko. Hein? Parler encore dans ses convictions pendant son temps de gloire. Il régnait la dictée. Il dit, pouvez-vous imaginer? Comme il a pu parler, une femme africaine authentique en pantalon. Wana tango Mobutu azalaki awa na bokonzi obanda koloba yango na tongo ninga bandaki koloba na mongongo na ye munene makasi boy alobi bokoki na lokokanisa mwasi penza ya malonga ya mboka Afrika ya siki siki amekokolata pantalon. Ou mettant des trucs du rouge à lèvres. Et puis il dit, mais c'est scandaleux. Ouais, j'allais répéter ça, mais tu m'as beaucoup. C'est pour ça que j'ai instruit les citoyennes et citoyens cons et zaïrois. De rester authentique. J'ai dit, ce papa-là avait aussi un bon côté. Hein? Même le serpent a ses qualités. La Bible elle-même a reconnu ça. Soyez prudent comme le serpent. Moi, qualité paysala. Amen. Une chose qui est bien reconnaissante. Pour nous croyants du message. Amen. Amen. Ma kanisi oyowana. Et ça m'a bé? Ma bête, ça l'a qui toko na boko. Ça qui toko. Biloko les toko. Une femme africaine authentique. Pouvez-vous imaginer en pantalon? Il dit scandaleux. Ou mettez-vous mais scandaleux. Je les ai instruits de rester authentique. Et demande à la journaliste. Vous les trouvez qu'elles sont comment? Elles sont élégantes. Gloire à Dieu. Mais voyez la démocratie, c'est que ça nous a amené. C'est un jure facile. Toutes les mères se sont parties. Nous sommes devenus des chamailleurs sur les voies publiques. Moindre pépin, on crache n'importe quoi. Le respect mutuel n'existe plus. Le respect des cellules n'existe plus. Donc au lieu d'une vraie démocratie, c'est devenu la démocrature. un excès de liberté et tout est falsifié. On détourne, on vole, on ment. Et des fois, au nom du gouvernement. Il n'y a plus de bonne morale. La nation congolaise doit se repentir. Les pasteurs congolais doivent se repentir. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre ça. Mais ils doivent le faire. Parce qu'ils sont dedans. Et que je n'avais pas établi l'église comme ça. J'étais évangéliste partant pour que vous ne me voyez plus jamais. Vous sentirez que parce que vous avez entendu que vous en avez, vous seriez incapable de retourner à votre suivre. Retournez aux choses. Des jeux de cartes. Et on danse. Il y a des choses de ce genre, et encore, en être encore satisfait. La parole précieuse que vous avez entendue vous a donné un goût autre de la vie. Et vous avez dévoué vos mauvaises œuvres de notre foi. Dieu transforme et réconcilie vraiment les âmes. Par la parole qu'il envoie, il réconcilie nos âmes avec lui. Par le sang de sa croix. Et vous ne pourrez plus rentrer à ces choses. Mais où aller pour entretenir la nouvelle vie que Dieu vous a donnée? Amen. Avoir un endroit où la parole est maintenue et défendue. Vous allez communier avec vos frères et monter avec eux dans les lieux célestes. Voyez pas? Avoir un endroit quelque part où la discipline de la parole est appliquée. Alors, il dit, vous êtes venu à la lumière, vous êtes élevé au-dessus d'une telle chose, et vous allez arriver à un point où, au lieu de dire, voici notre credo, vous dites plutôt, voici la parole de Dieu. Au lieu de brandir les credos, les croyances d'une église, vous ressentez librement et correctement la vraie parole de Dieu. Non pas notre église quoi comme ceci. Non, voici ce que dit la parole. Et vous vous exhibez la parole aux gens. Et j'avais dit que le mec était et que les gens avaient sauté du malheur. Talon, il ne le dit pas, il ne peut pas le dire. Et vous en êtes arrivé à vivre de ceci. De ce que ceci vous dit. Et non de ce que vous iriez là-bas pour les écouter. Et les entendre aller jouer au bingo. Si cela et tout le reste, avec un tout petit message qui n'a rien en soi. Au sujet d'un maire ou de quelqu'un qui va être réélu. Ou dire quelqu'un qui a fait le politique. Et arrêter de 10 ou 15 minutes après. Après que vous seriez assis ici, jour après jour, et puis vous allez dans des endroits comme ça. Avec des grands jubilés gastronomiques de la parole. Et vous sauriez que faire. C'est comme là où j'habite, là, derrière là, il y a une église, soi-disant église de la parole. Savez-vous ce qu'ils font? Soi-disant église de la parole. Le diable a trouvé que c'est l'une des stratégies pour vraiment attraper les esprits faibles. L'église de la parole, chaque mardi et chaque jeudi, je vous servais, il commence à chanter autour de 15h. Zembo na banzembo, et souvent ce sont les mêmes chansons. Les mêmes chansons textuellement. Après Oyo, Oyo et Landakawana. Après Oyo, Oyo et Landakawana. Baso Yembaka, Baso Yembaka. Jusque vers 16h40 ou 45. Zembo na banzembo. Et puis, vers 16h40 ou 45, tata pasteur a télévisé pour côté. Sa prédication prend combien de temps? 15 minutes. 17h, église ici. Et puis, Babim m'a quel est ici? 17h, 17h05, Basile ici. Dites-moi, est-ce que c'est ça l'église de la parole? Non, soyons sincères. Chacun de nous, soyons sincères. Pouvez-vous vraiment appeler ça église de la parole? Qu'est-ce qu'il y a de la parole là? C'est un peu ce que décrit le prophète ici. Oyoki vrai jubilé gastronomique. Oyoki qualité ya vraiment. Bokei vous naviguez, bokei la parole vraiment elle. Mais si maya oyo, bon, pour esika boyza sauter, okende na bisika moko boye bakote ya pendant 10 à 15 minutes. Puis ma kamboni na koloba, une petite affaire politique où le kambo ya gouverneur moko boye faut ba poner mbala mibale. Il fallait tout bon de la ponaye pour avoir quand même ba voir pour avoir mutu malamu na quartier na biso. Dans l'église. Il est appelé ça église de la parole. Après ce petit discours là, et si il te télémit au sambeli pendant 5 minutes, et si il met to yembi pendant 1h40. 1h40, zembo la bazembo, kin de nos autres, c'est la même chanson qui se succède. Après Oyo, Okoyoko Oye Bandi. Après Wana, Oye Sekonde Yaka. Après Wana Moussous. N'a pas de l'église de la Bangote, mais pour un voisin, na comment vous voyez pas presque Bandi pour l'Ilan. Et chaque jour, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Mais ça, vous n'avez pas de la et ça, vous n'avez pas de l'église de la parole. Et puis, l'église de la parole. Wana Bakomi Pei. Foutèche! Ça n'a rien à voir avec la parole. Après, moi, je vais vous dire mon idée. Église de la parole, mais il va jour, va viande. C'est faux. Vous voyez, frère, qu'il faut avoir une église établie. Dans la parole et dans l'amour. Dans la foi authentique de la parole. Là où vous pouvez venir vous réjouir. Avoir jubilé gastronomique. Dans le spirituel. Auriez même envie de commencer une église. Si moi l'évangéliste qui a commencé après avoir partagé ce jubilé gastronomique de la vraie parole. Mais après, si quoi l'occasion de la société pour monter à Kéi, moi, je vais côté sur vous appuyer tout ça. Mais on n'a pas une église établie. Vous avez même vous, le membre laïque. Alors, Bibino Binama Bassa. C'est pas une telle carence. Vous aurez même l'envie de commencer Amen. Une église Amen. Vous-même. Hein, Amen. Et commencer à prêcher cela vous-même. Amen. Amen. C'est le prophète qui dit ça. Et je vous dis que ceci a produit des effets. Ce qu'il dit ici. Amen. Il y a des assemblées qui ont commencé rien que comme ça. Amen. Non, pas qu'il y a un ministre établi. Non. Mais la carence, c'est le monde qui veut avoir l'original. Tout son Amen. Mais il faut être au côté de l'État, connaissez ça. Même les membres laïcs, les gens ne vont pas monter. Côté la police moko. Amen. Et des assemblées sonnées. Oui. Nous avons parlé de courageux, non? Amen. C'est ça, en fait. Amen. Ça y est ici. Amen. Des situations pareilles où on ne peut pas s'y porter ce que les autres offrent. Mais vous voulez voir ce son-là original. Il est déjà entré. Mais vous n'êtes pas qualifié vraiment, mais devant la carasse ici, nous faisons quoi? Même les membres là, ils commencent à prêcher cela eux-mêmes. Parce que votre cœur brûlerait pour la parole de Dieu. Et vous regretteriez pour le peuple qui sentirait la même chose que vous. Maintenant, cela n'est-il pas vrai? La soif authentique que le Saint-Esprit peut produire en nous. Il dit, même si vous saviez que Jésus vient et que vous pensiez qu'il allait venir demain, vous souhaiteriez néanmoins faire quelque chose aujourd'hui. Tous ces gens qui sont concitoyens du royaume de Dieu. Pour qu'ils se rassemblent. On ne peut pas étouffer la parole. Nous devons partager. Nous devons communier. Nous devons prier ensemble. Elle te protège ta vie. C'est ainsi que certaines assemblées locales sont nées. Juste des révoltes. Donc on n'a pas des ministres de Jésus-Christ comme Paul, comme Epaphras, comme Branham, comme. Même nous-mêmes là, on va se dire quelque chose que Dieu nous aide. Comme ça, Dieu va nous envoyer un ministère qui l'exauce en prière. C'est comme ça. Vous souhaiteriez communier avec eux. Maintenant, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé, m'a utilisé pour être le meneur d'un grand réveil, l'un des plus grands réveils qui ait jamais secoué le monde depuis les premiers jours à travers le monde. Nous savons cela, c'est vrai. Tout était désespéré en ces temps-là. Et il m'a rencontré là-bas, à la rivière. Il m'a dit que le message que j'avais annoncerait la seconde venue de Christ. Et je pense qu'il n'y a personne ici ce soir qui était là-bas ce jour-là. Mais cela est arrivé. Il y a environ 32 ans. Quand cette lumière apparut, et cet homme-là, moi je l'ai regardé en face, et des centaines de gens s'étaient là et regardaient. Elle descendit tout droit et cette voix se fit entendre. Des années plus tard, ces choses étranges, que les caméras aient pris la même image, ayant le même aspect. J'aime exactement ce que je vous disais, là à la rivière. Maintenant, je peux me tromper dans bien de choses. Mais je ne voudrais pas être un hypocrite. Je voudrais être honnête et sincère avec vous. Donc ce message est une puissance de réveil. Et qu'on ne peut pas étouffer. Quand on essaye de nous garder dans des vieilleries, dans des rigides, quelque chose va pousser quelque part. Pour amener les mouvements. Que Dieu soit loué. Avez-vous aimé le sermon? Dieu veut d'une église établie. Dans la parole de vérité. Qu'elle soit une colonne et l'appui de la vérité. Nous voudrions l'être, nous ici. Selon la parole. Et Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Article Hosanna numéro 170. Entends-tu Jésus t'appelle? Yoka. Sans paix les voies de toi. De toute idolâtrie, la vie du Lord qui est d'inactivité au sujet de l'évangile. Chaque fois que nous l'entendons, faisons quelque chose à ses propos. Amenons un changement à un niveau. Travaillons jour après jour avec Dieu lui-même. Prie frère, prie soeur. Ne fais pas semblant de prier, mais prie. Parle à Dieu sincèrement. Lui qui t'a parlé. Attention de chacun de nous maintenant. Car nous livrons un combat. Notre attention devant Dieu. Une ombre de la mort rôdant autour de l'église. Cherchant à arracher un membre. Mais nous avons le devoir de résister. Et la prière est une arme. Nous prions aujourd'hui Car Dieu a dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et David a prié disant, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. La mort est une réalité. Elle peut se produire à tout moment. Mais ce que nous voulons au temps de Dieu. Pas selon le programme de Satan. Ce soit ceux qui sont ici. Ou ceux qui sont en dehors de Kinshasa. J'invite chacun à la vigilance. Intensifier la vie de prière. À s'opposer au complot satanique. Qui veulent nous endeuiller. Les scènes sombres de 2021. Sont entrés dans l'histoire. Cette année-là est passée. Maintenant, c'est 2022. Dieu continue la marche avec nous. Nous avons beaucoup pleuré en 2021. Nous avons droit à la consolation de Dieu. Pour rester calme pendant des années encore. Que les puissances des ténèbres soient anéanties. Nous allons chacun prier maintenant. Et jeudi, je vous invite encore à la séance de prière de jeudi. Chacun des membres de l'église en particulier, ayez ça comme requête. Nous sommes dans un combat. Une ombre de la mort est en train de sillonner. Cherchant à archer physiquement quelqu'un ici. Parmi les nôtres. Ici présent qui fait ça. Ou à distance. Mais nous sommes un peuple, nous sommes une église, nous sommes une famille appelée par le Seigneur, protégée par lui. Le sang de Jésus protège encore. Dieu qui donne la vie protège encore. Il répond encore aux prières. Il peut repousser l'attaque. Il peut protéger les nôtres. Où qu'il soit. Et si quelqu'un est dans une pente, maintenant il ne vit pas tout à fait juste. Il est temps de se mettre en ordre. Pour ne pas être la proie de l'ennemi. Élevons-nous maintenant dans l'humilité, la sincérité et l'honnêteté. Nous devons nous opposer à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ni de sa parole, ni de son esprit. Dans ce combat, Dieu nous a déclaré plus que vainqueur. Prions chacun maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ici, dans Jacques chapitre 1, Pierre chapitre 5, verset 8. Et 9. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposés à vos frères dans le monde. Quand une révélation, une inspiration conforme à la parole, notre fondement est rassuré. Notre foi a raison de résister. Que Dieu soit béni. Lui qui voit dans les ténèbres. Lui qui voit dans l'invisible. Qui voit les armées ennemies qui se préparent contre nous. Pour lancer un assaut. Il peut dévoiler le plan pour faire échouer Satan. Dieu reste vivant dans l'église. Qu'il soit à force à ce moment. Il est le bouclier d'Israël. Il est le rocher des âges. Il est notre haute retraite. Il est le refuge de nos âmes. La paix de nos cœurs. Gloire et louange à son nom éternellement. Ce qu'il dit, il le fera. Ce que nous croyons, il l'accomplira. Que Dieu bénisse chaque croyant. Et attise du feu dans nos vies spirituelles. Soyons vigilants, éveillés. Ne peut pas donner accès à l'ennemi. Ne donnons pas accès au diable. Il n'a rien à prendre. Nous appartenons au Dieu vivant. Amen. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Que bientôt nous percerons les nuées. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. À la rencontre de Jésus le Christ. Pour vivre avec lui pour l'éternité. Les peines de la terre seront oubliées. Il n'y aura plus de pleurs ni de grâces maintenant. Il n'y aura plus de douleurs, de maladies, de bien-être. Il n'y aura plus la mort. Dieu bien-aimé, nous te remercions et t'adorons pour ton plan merveilleux que tu as conçu avant la fin du monde, d'avoir une église établie. Et tu en as déjà eu. Autant de sapeurs qu'il y en avait. En notre temps aussi, il y en a. Nous voulons être l'une d'elles. Édifie-nous et forme-nous toi-même. Travaille sur nos personnes et nos caractères. Travaille sur nos comportements jusqu'à ce que chacun de nous ait un fondement en Jésus-Christ. Et qu'il soit certain que c'est des temps. Aide mon frère, aide ma soeur, toute l'église. Protège-nous contre les vagues du malin. Toute sa jalousie et tous ses complots. Que ton esprit repose dans nos cœurs. Et marche avec nous. Ici à l'église, même dans nos maisons, et là où nous travaillons, tout ce que nous faisons, soit que nous devons, Seigneur, que ton nom qui donne la réussite, le succès, la prospérité, le salut, la croissance, l'édification, que ce nom produise cela en chacun de nous. Et que ce soit sur nos prières, jette ton bouclier sur l'église, pour qu'ils ont fait de tout mal, de tout complot, de toute jalousie, du vieil homme et de nos mauvaises pensées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.